Alors, si on continue dans le troisième volet de cette conférence-là, pour aller un petit peu plus loin dans le phénomène de la dissociation. Il apparaît que chez l'homme, il y a deux mécanismes de base qui existent chez tous les hommes, de quelque race qu'ils soient, de quelque nation qu'ils soient. Mais ces mécanismes-là sont beaucoup plus évidents dans les races occidentales, dans les races hautement civilisées. C'est que l'homme a une tendance naturelle à vouloir s'approprier de ce qu'il sait. Et ceci, pour l'homme inconscient, c'est bon parce que ça lui permet de se créer une réserve, une grande réserve de mémoire à laquelle il peut faire référence pour faire avancer sa civilisation ou pour faire avancer son développement personnel sur le plan psychologique. Mais lorsque l'on considère l'homme en fonction d'un avenir prochain, lorsque l'on considère l'homme en fonction de la fusion éventuelle ou en fonction de la réorganisation de ses principes subtils sous la pression du double, on s'aperçoit que dès que l'homme veut posséder une notion quelconque, dès que l'homme veut posséder le moindrement une idée de quelque chose, il abrutit son intelligence. Et ça, c'est très difficile pour nous autres de comprendre parce que on n'a pas d'idée de ce que c'est que de l'intelligence. Et comme on n'a pas d'idée de ce que c'est de l'intelligence et qu'on fonctionne avec notre intellect, c'est le mécanisme à l'envers qui se produit. Quand, au niveau de notre intellect, on essaie de réellement posséder un concept ou posséder une idée, on renforcit notre intellect. Donc, pour notre intellect, c'est bon. Mais quand on fait la même chose au niveau de notre intelligence, c'est le mécanisme opposé qui entre en jeu. Aussitôt qu'on veut posséder un concept, une notion, on abrutit notre intelligence parce que notre intelligence est capable de détruire n'importe quel concept que nous avons construit au niveau de notre expérience sensorielle. Parce que de l'intelligence, c'est une énergie créative. Donc, si elle est créative, cette énergie-là, sa fonction dans le cosmos, à travers l'homme, ce n'est pas de maintenir en lui fixe l'idée ou le concept, mais de constamment le faire évoluer pour l'amener éventuellement à comprendre des gammes beaucoup plus vastes de la réalité. Et nous, les hommes, nous avons une tendance naturelle à chercher à posséder nos concepts et nos idées parce que ça fait partie de notre sécurité. C'est comme ça que l'on se sécurise. Et lorsque l'homme se sécurise, il perd son pouvoir. Lorsque l'homme se sécurise au niveau de son ego, il perd son pouvoir. C'est-à-dire qu'il perd le contact entre lui en tant qu'ego et lui en tant qu'être multidimensionnel sur un autre plan. Donc, pour l'homme, de posséder un concept, de se lier à un concept, de mordre à un concept, de vouloir le garder pour se sécuriser, c'est anti-intelligence. Le deuxième aspect de ceci, c'est que aussitôt qu'un homme commence à vouloir s'intéresser intelligemment à quelque chose, il abrutit son intelligence. Parce qu'un homme qui est dans l'intelligence n'est pas capable de vouloir s'intéresser à quoi que ce soit. Parce que son intelligence couvre tout. Et lui, il n'a qu'à canaliser ce qu'elle veut que lui canalise. L'intelligence, le pouvoir du double sur l'homme, c'est une faculté créative. Ce n'est pas une faculté mécanique. Donc, si c'est une faculté créative, pour que l'homme puisse vivre, connaître cette faculté-là, il doit connaître les lois de cette faculté-là. Et il doit comprendre les principes qui empêchent cette faculté-là en lui de naître, autrement dit, de devenir créative, active. Et notre éducation, notre mode de perfectionnement intellectuel va totalement à l'encontre de cette loi de l'intelligence. C'est pourquoi dans le monde occidental aujourd'hui, nous sommes arrivés à un état de mentation où c'est le résultat psychologique de notre vertu intellectuelle qui compte pour l'ego. Lorsqu'en fait, ce n'est pas le résultat psychologique qui compte, c'est le pouvoir créatif de l'intelligence. On va prendre un exemple dans le domaine de la philosophie. On va prendre, par exemple, le cas où le philosophe va dire à l'homme, l'homme est le produit d'une sorte de genèse, l'homme est le produit d'une sorte d'organisation physico-chimique, l'homme est le produit d'une organisation accidentelle de la nature, l'homme est le produit d'une organisation de très haute probabilité, l'homme est le produit de ci et l'homme est le produit de ça. Autrement dit, l'homme, du point de vue philosophique, est toujours le produit de quelque chose. Autrement dit, l'homme est toujours un sous-entendu du pouvoir mécanique ou mécaniste de la nature. L'homme est le produit de la nature. Et l'homme n'est pas le produit de la nature. Et lorsque le philosophe dit que l'homme est le produit de la nature ou que l'homme est le résultat d'une organisation de très haute probabilité, ainsi de suite, qui crée possiblement un être complexe comme il est, le philosophe enlève à l'homme le pouvoir de son intelligence parce qu'il réduit l'homme à contempler une idée et de cette idée, l'homme perdra conscience de son intelligence pour ne prendre conscience que de son état psychologique. Donc, l'homme sera assujetti à ne pas pouvoir comprendre qui il est, mais il sera capable d'interpréter évolution et selon un mode relatif d'expression intérieure, ce qu'il peut se permettre de comprendre. Donc, avec les lois que nous connaissons, avec la science que nous connaissons, avec la méthodologie que nous possédons dans la société moderne, l'homme aujourd'hui en est arrivé à une très haute échelle, même parmi les scientifiques, parmi les grands intellectuels, à se contempler comme étant un être complexe, étant le résultat d'une organisation probable de la nature. Donc, l'homme est le produit d'une création mécanisée et il n'intervient dans le mouvement de la nature qu'en fonction du pouvoir de la nature de l'avoir créé probablement, lorsqu'en fait, ce n'est pas le cas. L'homme a existé, l'homme existe avant que la nature soit. Ce qui n'existe pas avant que la nature soit, c'est la forme humaine. Mais l'homme lui-même existe avant. Si les intelligences n'avaient pas créé, les intelligences des gouvernements invisibles n'avaient pas créé la forme éthérique de l'homme, il n'y aurait pas de forme humaine sur la Terre. Autrement dit, s'il y a un être humain sur la Terre aujourd'hui, ou qui évolue depuis très très longtemps, c'est que dans le passé, dans le très très très grand passé, en dehors du temps planétaire, il y a eu une forme humaine créée par ces êtres-là, qui avec les âges, les très très grandes périodes, est devenue de plus en plus dense, de plus en plus dense, de plus en plus dense, jusqu'au moment où elle ait pu faire une connexion avec l'énergie de l'atome sur le plan matériel pour créer éventuellement, au niveau du code génétique, une forme que l'on connaît comme la forme humaine. Mais l'homme déjà existait. Mais l'homme qui existait, qui était-il? Il était un homme sans expérience. Et étant sans expérience, il fallut, au cours des âges, qu'une expérience soit enregistrée dans la mémoire de l'humanité. Et cette expérience-là, elle a été enregistrée par le mécanisme de l'âme, ce qui a donné, au cours des siècles, à la forme matérielle de l'homme, une plus grande capacité de s'adapter à la nature, de sorte qu'avec le temps, avec les arbres, l'homme est devenu plus beau, ainsi de suite. Pour que l'homme, à un certain moment donné de son évolution, si vous voulez, que sa forme humaine coïncide de plus en plus avec sa forme éthérique. Et aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, la forme humaine a atteint un très haut niveau d'évolution, et c'est une des raisons pour laquelle l'homme, lorsqu'il passera dans les terres, sera capable de se reconnaître. Parce que l'organisation chimique physiologique, magnétique, électrique de l'homme est parfaitement équilibrée aujourd'hui, tandis que dans le passé, elle ne l'était pas. De sorte que l'homme aujourd'hui, étant parfaitement équilibré dans son organisation matérielle, est capable de faire la connexion éventuelle avec son double. Pour que le double et la forme humaine puissent se superimposer tellement parfaitement que l'homme pourra passer d'un plan à un autre sans subir de grandes transformations au niveau de son corps matériel, au niveau de ses organes. Si je parle de ceci et que je parle aussi de l'importance à l'homme de se dissocier de ces concepts, c'est pour faire comprendre à l'homme que aussitôt que nous avons dans notre tête un concept, une idée à laquelle nous nous attachons, nous renversons le processus de superimposition de notre corps matériel avec notre double. Autrement dit, dès que l'homme s'accroche à une pensée, il change la physicalité de son double. Et en changeant la physicalité de son double, ça prend plus de temps pour que son double et son corps matériel puissent se joindre au niveau de la conscience atomique. Nous ne réalisons pas que les mots sont des formes, nous ne réalisons pas que les émotions sont des formes d'énergie, donc nous ne réalisons pas que nous manipulons constamment notre double éthérique, non pas pour notre bien-être éventuel, c'est-à-dire pour une superimposition de notre double et de notre matière, mais pour la séparation de ces deux-là. Autrement dit, l'homme est responsable de l'aliénation entre son corps matériel et son double parce qu'il pense et parce qu'il s'attache à ses pensées. Et qu'est-ce j'aime pas ça parler de preuve, mais un des grands faits, une des grandes constatations de ce phénomène-là, c'est que la maladie physique est le produit du déséquilibre créé dans notre double avec nos pensées et nos émotions. Alors, notre corps matériel et notre double ne sont plus superimposables. Ils n'ont plus le même contour parce que nos pensées et nos émotions changent l'énergie de notre double et automatiquement ça affecte notre corps physique, donc nous sommes malades. Alors, le phénomène de s'attacher à nos pensées, des pensées ou des idées ou des concepts qui nous sont chers, c'est un phénomène qui traduit l'homme devant le tribunal de la mort, autrement dit, qui force l'homme à mourir, qui amène l'homme à mourir, qui amène l'homme à vouloir maintenir une sorte d'identité psychologique contre le grand vide dans son mental qui lui permet de découvrir une autre psychologie, la psychologie du vide plein, autrement dit, la psychologie rendue à l'homme au niveau de son ego par le défoulement ou la créativité de son intelligence. Donc, si l'homme apprend à se dissocier psychologiquement au cours de l'évolution, il apprendra automatiquement à réorganiser de plus en plus l'énergie de son double pour qu'elle se superimpose parfaitement au niveau de son corps matériel. Et quand ceci sera fait, l'homme pourra automatiquement passer au niveau de ses sens à l'extériorisation de son corps matériel. Et quand je parle de l'extériorisation du corps matériel, je parle de l'extériorisation, autrement dit, de la sortie de son corps matériel dans et vers et envers l'invisible. Et ça semble être un processus inverse, parce qu'on parle de l'extériorisation du corps matériel vers l'invisible, mais en fait, ça veut dire l'intériorisation du double dans l'homme. Et lorsque l'intériorisation du double dans l'homme sera parfaite, l'homme pourra voir dans l'invisible. Et pour que ceci se fasse, il faut que l'homme perde conscience. Et c'est ce point que je vais attaquer. On parle de conscience, et de conscience, et de conscience, tout d'un coup, on dit l'homme doit perdre conscience. Pendant le temps que je vous ai parlé, ou pendant les mois ou les années que je vous ai parlé de conscience. Pourquoi? Pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Autrement dit, pour vous faire prendre conscience que vous n'étiez pas conscient. Pour vous faire prendre conscience que la conscience que vous aviez, ce n'était pas une conscience réelle, c'était une conscience associative. avec le temps, vous commencez à prendre conscience, vous commencez à réaliser que vous n'êtes plus conscient comme avant, vous êtes autrement qu'avant, donc votre conscience est altérée. Mais un jour, l'homme doit perdre conscience. C'est-à-dire qu'un jour, l'homme doit même perdre la conscience qu'il veut avoir. Parce que la conscience aujourd'hui que vous avez, c'est une conscience que vous voulez avoir dans son potentiel. Autrement dit, aujourd'hui, vous êtes une certaine mesure de quelque chose, mais vous voulez être plus que ça. Et cette conscience-là que vous voulez avoir, qui est le produit de votre conscience présente, doit un jour s'éteindre. Parce que ce n'est pas par là que vous devez aller, c'est par là. Pour que vous deveniez éventuellement un point, autrement dit, que vous deveniez éventuellement totalement sans conscience. Et sans conscience, dans le sens que je le parle, veut dire sans réflexion de vous-même. Sans réflexion de vous-même. Quand vous aurez plus de réflexion de vous-même, vous serez sans conscience. Mais vous serez intelligent. On ne peut pas être trop conscient et trop intelligent à la fois. Plus on devient intelligent, moins on devient conscient. Dans un sens très particulier que je peux pas facilement définir. Je peux le définir, mais ça va être abstrait. Mais je vais vous le définir anyway. Je vais vous le définir comme ceci. Plus vous devenez conscient, moins vous êtes conscient d'avoir été dans le passé ce que vous êtes aujourd'hui, en fonction de votre mémoire. Autrement dit, plus vous devenez conscient, moins vous avez de rappels de vous-même. Plus vous devenez conscient, moins vous êtes capable de vous rappeler de vous-même. Plus vous devenez conscient, moins vous êtes capable de prendre conscience de vous-même. Plus vous êtes conscient, moins vous êtes capable de vous servir de votre conscience. Plus vous êtes conscient, de moins en moins vous devenez outillé pour vous servir de votre conscience. Plus vous êtes conscient, moins votre personnalité vous sert. Plus vous êtes conscient, moins vous avez de personnalité. Plus vous êtes conscient, plus vous avez de la personne. La personne ne peut pas s'interpréter par la personnalité de l'homme parce que la personne n'appartient pas à l'homme, elle appartient au double. Alors aujourd'hui, vous avez de la personnalité, un jour vous aurez de la personne. La personnalité que vous semblerez avoir sera simplement le produit de la réflexion des autres sur vous. Moi, vous pouvez bien dire j'ai de la personnalité parce que j'ai toujours les baguettes en l'air. Mais moi, personnellement, je n'ai pas de personnalité. J'ai fait le don de ma personnalité. J'ai de la personne. Je suis une personne. Et c'est tellement vrai que je suis une personne qu'il m'est possible de constamment réorganiser le matériel psychologique de ma personnalité. Donc, ce que je suis aujourd'hui, ce que je suis demain, ce que je suis après-demain, ce que je suis dans 5 ans, peut être constamment et constamment transformé. Donc, aujourd'hui, vous me voyez d'une certaine façon, dans 2 ans, vous me voyez d'une autre façon, dans 5 ans, vous me voyez d'une autre façon, dans 5 ans, je parle totalement différemment de ce que je parle aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai pas de personnalité. Si j'avais de la personnalité, ce que je dis aujourd'hui, puis ce que je dis demain, puis ce que je dis dans 5 ans, puis ce que je dis dans 10 ans, pourrait être reconnu. Mais si vous me revoyez dans 2 ans, puis dans 5 ans, puis dans 10 ans, si vous étiez un étranger, là, je parle pas de vous autres, là, mais si vous étiez un étranger, là, vous verriez que dans mon langage, il y a constamment une conversion de l'énergie. Puis pour amener ça à votre expérience, là, regardez vos amis que vous rencontrez dans la société. Disons des gens que vous avez vus il y a 10 ans. Regardez-les encore aujourd'hui, vous allez voir que c'est le même monde. Ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas converti leur énergie. Ils ont simplement transformé leur énergie. En fonction de quoi? De leur personnalité. Peut-être que dans ce temps-là, il y avait un Volkswagen, là, il y a un gros char. Peut-être dans ce temps-là, il n'y avait pas de maison, là, il y en a une. Peut-être que dans ce temps-là, il n'était pas marié, là, il y en a. Peut-être qu'il y avait des cheveux bruns, là, il y a des cheveux gris. Mais il n'a pas changé. Puis regardez vos anciens amis et vous verrez qu'ils n'ont pas changé. Ils sont toujours les mêmes. Il n'y a pas eu de conversion de leur énergie. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore les mêmes idées. Parce qu'ils sont encore attachés aux mêmes idées. Autrement dit, ils sont encore l'expression, sur le plan matériel, d'idées qui conviennent à leur ego, et étant attachés encore à ces idées, ils n'ont pas pu faire la superimposition de leur double avec leur corps physique. Donc, ils sont demeurés le même. Tandis que quand l'homme commence à faire la superimposition de son double avec son corps physique, il change constamment. Et un étranger qui le rencontre après un certain nombre d'années voit très bien qu'il est totalement changé. Moi, je rencontre des gens dans la société qui m'ont connu il y a plusieurs années, des gens qui ne font pas partie des séminaristes, là, qui ne font pas partie de cette continuité d'expression, mais qui font partie d'un monde que j'ai connu. Et je suis totalement changé, par exemple. Pourquoi? Parce que la personnalité n'est plus. Donc, ils ne sont plus capables de mesurer ce que je suis avec ce que j'étais. Donc, pour eux autres, je suis changé. Et pour d'autres, je ne change pas pantoute. Donc, la personne ne change pas, seule la personnalité change. Et pour que l'homme en arrive à vivre de sa personne et ne pas vivre et ne plus jamais vivre de sa personnalité, il faut qu'il cesse de s'attacher aux mots et aux concepts et aux pensées. Autrement dit, il faut qu'il cesse de s'attacher à ce matériel dans son mental qui est astralisé et qui lui sert de couverture, qui lui sert d'enveloppe contre la lumière de son dos. C'est pour ça que dans la fusion, dans l'évolution de l'homme, dans le mouvement vers la mutation, l'homme perd de la personnalité pour acquérir de la personne. Donc, il est obligé automatiquement de vivre la dissociation parce que c'est l'association des idées qui crée votre personnalité. Vos personnalités sont le produit de l'association de vos idées. Si un homme était capable aujourd'hui de transplanter d'autres idées dans votre cerveau, votre personnalité changerait comme ça, même votre corps matériel. Donc, la dissociation psychologique, dans le sens que je le parle, est importante parce que si vous en prenez conscience, vous serez obligé de perdre conscience. C'est-à-dire que vous serez obligé de perdre la fine atmosphère astrale qui la maintient. Et quand vous perdez cette fine atmosphère astrale qui la maintient, automatiquement, vous tombez dans une autre catégorie de mentation, dans un autre niveau d'intelligence, et automatiquement, vous n'avez plus conscience. Et je vais vous dire pourquoi vous n'avez plus conscience. Parce que vous n'êtes plus prisonnier de la personnalité, donc vous êtes dans votre personne, donc vous êtes dans l'éther. Et les gens se demandent des fois, qu'est-ce que c'est l'éther? C'est-tu quelque part là-bas? C'est-tu quelque part là-là? L'éther, c'est là. C'est tout partout, l'éther. Il s'agit d'être dedans pour le savoir. Et l'éther, c'est un monde qui appartient au double. Ce n'est pas un monde qui appartient au corps physique. Donc, lorsque l'homme est conscient de son double, lorsque l'homme est conscient de sa personne, il n'a plus besoin d'avoir conscience matérielle. Il n'a que conscience éthérique qu'il peut utiliser à travers un corps matériel. Donc, il n'a plus besoin d'avoir conscience. Alors, qu'est-ce qu'il devient à ce moment-là s'il n'a plus besoin d'avoir conscience? Il devient simplement une projection dans la matière. C'est tout. Il devient une projection dans la matière. Il se projette dans la matière. Il est projeté dans la matière. Il peut sortir de la matière. Il peut rentrer dans la matière. Automatiquement, il est constamment en voie de travail, d'évolution, de relation avec le gouvernement visible. Il est toujours en travail. Il ne peut jamais sortir de sa destinée. Il devient, en parenthèse, prisonnier de lui-même. Ce qui veut dire qu'il devient prisonnier des forces de la lumière en lui qui active sur le plan matériel tous ces mécanismes qui font de lui un être humain. Mais lui, en tant que personne, lui en tant qu'être, lui en tant qu'intelligence créative, n'est plus sur le plan matériel. Il n'y a plus besoin d'être sur le plan matériel. Parce qu'être sur le plan matériel, c'est l'illusion psychologique de l'homme. C'est l'illusion psychologique, c'est l'association de l'homme qui fait que l'homme est sur le plan matériel. Si l'homme n'avait pas d'association psychologique, il ne serait pas sur le plan matériel. Il se retrouverait dans les terres. Je vous donne un exemple très, très, très précis de ce que je veux dire pour que vous puissiez le comprendre. Quand vous dormez le soir, vous rêvez, vous êtes en bateau, sur l'eau, vous n'êtes plus sur le plan matériel. Hein? Vous êtes sur un autre plan. Aussitôt qu'on vous réveille, qu'on vous tape, là, vous revenez dans le plan matériel. Pourquoi? Parce que vous commencez à fonctionner par association. Il y a le lit, il y a la solidité, il y a le cadran, il y a ta femme à côté de toi. Fait que tu reviens dans ton camion arrière. Ensuite, vous vous recouchez, vous retournez encore dans le bateau ou dans d'autres affaires. Vous n'êtes plus sur le plan matériel. Alors, au niveau de l'éther, c'est la même chose. Quand l'homme cesse de vivre par association, il n'est plus sur le plan matériel. Il est dans l'éther. Et il peut se servir de son corps matériel pour continuer à œuvrer sur le plan matériel. Alors, la fine illusion de la différence entre la conscience de l'ego et la présence de l'intelligence, du double, est subtile. Et la mesure de cette différence-là, de cette fine différence-là, c'est votre capacité d'associer. C'est votre faculté associative. Et votre faculté associative, c'est tout le matériel, toute cette fine atmosphère astrale qui fait que vous avez un moi. Et c'est le fait que vous avez un moi que vous ne pouvez pas être dans l'éther. Parce que votre moi, il est construit d'astralité. Il n'est pas fait d'intelligence. Si votre moi était fait d'intelligence, vous ne seriez pas dans la matière. Vous seriez sur le plan éthérique. Comme le soir, quand vous vous couchez, vous êtes sur le plan astral. Alors, les vertus de l'association psychologique, les vertus du matériel psychologique que l'humanité a absorbé pendant des millénaires sont très grandes. Elles l'ont attiré et elles l'ont emprisonné dans la matière. Donc, son esprit à l'homme veut se libérer. Comment veut-il se libérer? En rendant suffisamment lumineux son double pour que le double exerce une pression contre l'ego, pression si puissante qu'éventuellement l'astral ne peut rien contre lui. Et c'est comme ça que l'esprit de l'homme se libère de la matière. Parce que l'astral est trop fort. Alors, le mécanisme d'association qui a été créé, développé et très perfectionné par l'humanité, par les races, surtout les races d'aujourd'hui, les races occidentales, est tellement fort, tellement puissant qu'il est absolument impossible à l'homme aujourd'hui de se réaliser instantanément dans l'éther et à la fois à travers la matière. L'homme n'est même pas capable de regarder à travers ses yeux. Ce sont les impressions de l'extérieur qui rentrent dans ses yeux. Ce n'est pas lui qui regarde. Qu'est-ce qui arrive quand vous fixez quelque chose? Quand vous fixez quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui rentre en vous. C'est quelque chose de vous qui sort. Hein? De sorte que quand un homme en arrive à être totalement dans sa personne, il n'y a jamais rien de l'extérieur qui rentre en lui. C'est toujours quelque chose de lui qui sort. Donc, il n'est plus impressionnable au niveau des sens. Parce que la personne ne peut pas être impressionnée par les sens. Seule la personnalité. Parce que comment se construit chez l'homme l'association? Par la pénétration de l'extérieur en dedans. On associe. On associe. Les psychologues le savent, ça. Ceci, extérieur. C'est en psychologie, vous savez. C'est en psychologie. Même si c'est en psychologie, vous savez. Mais lorsque l'homme cesse de fonctionner comme ça, il n'y a plus rien de l'extérieur qui rentre. Alors, qu'est-ce qui se produit? Il est capable, à ce moment-là, d'instantanément investiguer tout ce qui est de l'extérieur. Parce qu'il a le pouvoir de contrôler par ses yeux la signification psychologique du mouvement dans l'espace matériel. Exemple. Supposons que supposons que quelqu'un dans la salle disait à quelqu'un dans la salle qu'il est bien sans dessin. En parlant de moi. OK? Si j'absorbe ça, là je tombe dans ma personnalité. Là je vais souffrir en dedans. Je vais dire, ils ne sont pas gentils de parler de même, je vais me sentir insécurisé. Parce que j'absorbe une impression qui vient d'extérieur. Mais si je regarde de mon intérieur vers l'extérieur tout le temps et que j'entends quelqu'un dire il est pas bien fin, il est pas si bien, à ce moment-là, je vais, au lieu d'absorber ça, je vais le détruire. Comment je vais le détruire? Je vais aller voir dans 5 minutes, peut-être dans 10 minutes. Dans 10 minutes, je vais me promener et je vais aller voir celui qui a dit il est pas bien fin, lui. Je vais lui dire comment ça va? Ça va bien dans tes affaires? J'aimerais ça prendre un petit café avec toi. Là, autrement dit, je vais me rendre bien fin. En me rendant bien fin, je viens de détruire l'impression qu'il a créée tout à l'heure. Et c'est comme ça que ça fonctionne de l'intelligence. Et il n'y a rien de plus éveillé qu'un homme conscient. Un homme conscient peut entendre une pensée à distance. Un homme conscient peut recevoir de l'information à distance. Un homme conscient est toujours présent parce qu'il est dans l'éther. Comment tu le dis? Mais ce qui lui permet de vivre ça, c'est qu'il ne fonctionne pas par association. Donc, il ne reçoit jamais du monde extérieur. Ça part toujours de lui vers l'extérieur. Et c'est cet état éventuel de l'homme qui permettra un jour à l'homme de pouvoir communiquer à distance. Communiquer ses pensées à d'autres, parler dans sa tête, puis l'autre va le recevoir, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ça partira de lui vers l'extérieur. C'est plus l'extérieur qui influera sur lui. Autrement dit, c'est son éther, son double, qui sera en puissance, au lieu que ce soit son astral. Et la condition, elle est fondamentale dans ce domaine. Il faut que l'homme en arrive un jour à ne plus pouvoir vivre d'association, de ne plus pouvoir retenir quelque idée que ce soit. Des fois, les gens vont dire, « Bon, mais je t'ai écouté pendant 2-3 heures, j'ai rien compris. » J'ai dit, « C'est très bien. » Parce que si vous retenez ce que j'ai dit, vous allez tricoter autour. Vous allez prendre ce que vous aimez, vous allez mettre de côté ce que vous n'aimez pas. Donc, automatiquement, vous allez reformuler associativement une caractéristique de votre personnalité. Donc, vous allez engendrer en vous une certaine astralité qui va affecter votre mental. Vous retardez votre évolution. C'est pour ça que je parle d'une telle façon que personne ne peut se rappeler de ce que je dis. Et on n'est pas habitué. Il y a des gens qui viennent dans les séminaires au début puis qui sortent du séminaire la tête vide. Ça décourage. Parce que rendu à la maison, ils n'auront rien à dire. Qu'est-ce qu'il a dit 3 jours, t'as rien compris, t'es un vrai sans dessin. T'es un médecin puis t'as rien compris de ce qu'il a dit. Parce qu'avant, quand on va dans une conférence, on comprend ce que le gars dit, on peut faire une synthèse, hein? On se fait des petits schémas. Des fois, on commence le samedi, dimanche, vendredi soir à faire des petits schémas, puis samedi matin, ils deviennent un petit peu plus courts, puis dimanche soir, ils sont dans la poubelle. Alors, le phénomène de l'association psychologique, c'est très, très important chez l'homme. Je vous en parle d'une façon purement créative. Avec le temps, vous allez le réaliser, parce que ça fait partie de la transmutation du corps mental. Mais ce qui est bon dans cet aspect de l'expérience de l'homme, ce qui est bon de reconnaître, c'est que l'homme n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit. C'est une très, très, très, très, très mauvaise habitude de savoir quoi que ce soit. C'est la pire des habitudes de savoir quoi que ce soit. Moi, je ne sais rien. Je sais absolument rien. Autrement dit, je ne peux pas entretenir dans mon mental aucune association. Donc, comme je ne sais rien, j'ai accès à ce que vous appelez de l'intelligence. Autrement dit, je suis dans l'intelligence créative. Donc, je peux créer des idées nouvelles. Et pourquoi je crée des idées nouvelles? Pour amener les gens à savoir rien. Je ne crée pas des idées nouvelles pour que les gens deviennent encore associatifs. Alors, je les écrit d'une certaine façon, je leur imprime une certaine vibration pour que les gens ne puissent même pas comprendre ce que je veux dire. Ça, c'est la fine pointe de l'intelligence. Plus tu es intelligent, plus tu parles, moins les gens sont censés comprendre ce que tu dis. Moins tu es intelligent, plus tu parles, ou moins tu parles justement, plus les gens peuvent comprendre ce que tu dis. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne comprennent pas ce que tu dis. Ça veut dire que les gens ne peuvent pas comprendre à la hauteur de leur ego ce que tu dis, mais ils peuvent comprendre à la hauteur de leur intelligence, autrement dit de leur double, ce que tu dis. Donc, tu vas parler à du monde des fois, comme je vais parler à mon chum en haut de le tracteur, là. Puis, à soir, j'étais content à soir, parce qu'il me dit, ouais, j'ai bien aimé ça à soir, la conversation. Puis quand il me dit que j'aime bien aimer ça, la conférence à soir, c'est intéressant parce que c'est un homme, lui, qui n'est pas, pas philosophique, lui, il se casse pas la tête trop. Lui, c'est son tracteur. Mais quand il me dit, j'ai bien aimé ça à soir, ça veut dire qu'il a... M'en dis pas de répéter ce que j'ai dit, mais il a compris quelque chose. Autrement dit, au niveau de son double, il y a eu vibration. Et quand il y a eu vibration au niveau du double, cette vibration-là se communique éventuellement au niveau de l'ego, donc il y a ouverture dans l'ego, autrement dit, il y a dissociation. Alors, pour qu'il y ait dissociation chez l'homme, il faut que d'abord, il y ait vibration au niveau du double. Quand il y a vibration au niveau du double, il y a éventuellement dissociation. Mais s'il n'y a pas de vibration au niveau du double, autrement dit, si les gens ne sont pas capables de comprendre qu'ils ont compris sans comprendre, à ce moment-là, ils ne peuvent pas comprendre qu'ils n'ont pas compris. Ça se comprend, ça? C'est clair, ça? Très clair. C'est ça que j'essaie de faire comprendre. Des fois, on m'accuse injustement de jouer avec les mots. Je ne joue jamais avec les mots. Je les crée. Pas pareil. Maudite différence. Grande différence. Tu peux pas jouer avec les mots quand tu es conscient. Dans l'intelligence. Autrement dit, quand tu es dans l'intelligence. Je ne suis pas toujours vous dire que je suis intelligent. Mais je dis que je suis conscient intelligent. Tu peux pas jouer avec les mots. L'ego joue avec les mots. L'ego est démagogue. Pas le double. Le double est créateur. Mais un maudit créateur. Lui, il crée. Et pourquoi il peut créer tant le double? Parce que le double n'est pas assujetti aux lois de la division de la signification des mots. Dans le processus d'association psychologique, vous êtes toujours assujetti à la division de l'association des mots. Je vais dire un mot pour vous, ça veut dire une chose. Un mot pour un autre, ça veut dire une chose. Un mot pour un autre, une phrase pour un, c'est la vérité. Une phrase pour l'autre, c'est le mensonge. Donc, dans l'utilisation des mots chez l'homme qui est associatif, il y a toujours un combat. Il y a toujours un combat, il y a toujours une polarité. Mais quand tu parles à l'homme qui est suffisamment avancé dans le contact du double avec son ego, à ce moment-là, ça n'existe plus, ça, ce combat, cette polarité-là. Fait que tu emploies un mot ou un autre mot ou un autre mot, chacun, selon le mot, va aller chercher la vibration. Et la vibration qu'il va aller chercher, elle vient d'où? Elle vient de son double. Donc, le mot lui a permis de rentrer dans son intelligence pour devenir, un petit peu plus tard, demain, dissocié dans son intellect. Alors, plus les hommes sont capables de comprendre vibratoirement, sans l'intellect, ce qui est dit par, dans une instruction, plus ils sont capables demain de vivre la dissociation, parce qu'il y a eu un processus de résonance de créer entre mon double et votre double. Et quand il y a résonance entre deux doubles, il y a automatiquement alliance sur les autres plans, et éventuellement sur le plan matériel, il y a relation. Donc, il y a compréhension de ce que l'un peut dire à l'autre, ou vice-versa. Alors, le phénomène de la dissociation est extrêmement important pour l'humanité, et ça va prendre un bon bout de temps avant que les hommes soient capables de comprendre ceci. C'est pour ça que ça doit être établi dans à une certaine échelle, une petite échelle, si vous voulez, mais ça doit être établi à une certaine échelle, ça. Cette conscience de l'importance de l'absence d'association dans le mental humain. L'homme doit un jour comprendre qu'est-ce que c'est que ça veut dire de ne pas avoir conscience. Parce que même le mot conscience implique une association. Quand vous parlez de conscience, vous vous associez avec quelque chose dont vous ne connaissez pas complètement la teneur, mais envers laquelle vous avez un certain regard, ce qui crée une certaine tendance vers l'avenir, une certaine tension avec l'avenir, ce qui crée automatiquement une sorte d'impatience. Pourquoi l'impatience? Parce que vous avez un concept de conscience. Mais si vous n'aviez pas ce concept de conscience-là, vous n'auriez pas d'impatience. Alors, aussitôt que vous avez une idée ou un concept à laquelle vous tenez ou avec lequel vous trafiquez dans votre mental, vous vous assujettissez automatiquement à du temps. Et qu'est-ce que c'est du temps? C'est de l'astralité. Du temps, c'est de l'astralité. Le temps est astral. Le temps n'existe pas dans la lumière. Le temps est astral. Le temps n'existe pas dans la lumière. Et un jour, les hommes réaliseront que c'est à cause du temps qu'existe la matière et l'espace matériel. Enlevez le temps, vous n'avez plus de matière. Parce que vous n'avez plus de mouvement. Donc, en dehors de l'astral, dans le monde de la lumière, le mouvement n'existe pas. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de transport? Pourquoi est-ce qu'on parle de déplacement de l'esprit? L'esprit n'a pas à se déplacer. Il n'a pas à se déplacer. L'esprit est. Il est. Il est total à la fois dans l'infinité, il est total à la fois dans la particularité. Il est l'esprit. Et si on prend tout ce qui est esprit ensemble, on a un gouvernement invisible. On a ce qu'on appelle Dieu. Dieu ne se déplace pas. Mais l'idée qu'on a que l'esprit doit se déplacer, c'est une idée qui vient de notre astralité, de notre conception astrale du temps. Tout ce qui est esprit dans l'univers est instantané. Qu'est-ce que ça veut dire instantané? Ça veut dire que ça a toujours été là, ça n'a jamais bougé d'une minute.